Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Radio No Culture, vous êtes sur été.mp3. Aujourd'hui, on va écouter Willis Drummond avec une chanson sortie en 2012 qui s'appelle Tresna. Comme d'habitude, on en parle après. Willis Drummond avec Tresna, c'est sorti en 2012 sur leur album A à la B, je crois que c'est le troisième album de Willis Drummond. Donc c'est une chanson qui s'appelle Tresna, c'est-à-dire l'outil, dans laquelle donc le chanteur Yorikisa parle de son rapport propre à la musique et surtout son rapport aux stars, aux idoles, tout ça. Et le refrain dit littéralement « Tuons nos idoles, la musique n'a pas besoin d'eux ». Dans un sens... Moi, je comprends comme ça, en tout cas, que ben soyons un petit peu imaginatifs, essayons d'arrêter de copier tout ce qui marche et essayons d'être un peu originaux et peut-être aussi d'arrêter d'idolâtrer n'importe qui, n'importe comment. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et ils ne méritent peut-être pas autant d'attention et peut-être que nous, on en mérite plus en comparaison. En clair, une chanson que moi j'aime beaucoup. Tant pour le message qui est rendu, il dit ça que vous voulez dire quoi que tuons nos dieux littéralement. Que la musique, voilà, c'est deux minutes, presque trois minutes de je vais pas dire de pure folie, pas y croire non plus. Mais voilà, un truc assez intense, rapide, ça tabasse, c'est bien ce que j'aime quoi. Espèce de mélange entre du punk et du rock finalement, du rock moderne et du punk moderne. Je ne sais pas ça. C'est un peu ce mélange-là, le Willis de ses premiers albums. Si vous voulez peut-être découvrir Willis un peu plus, on a fait un chronobio dessus. C'était en début d'année, il me semble que c'était le deuxième chronobio, donc ça devait être en septembre par là-bas. Vous pouvez évidemment le retrouver sur radioculture.wordpress.com. Voilà, vous tapez Willis Drummond ou vous allez chercher les chronobio ou vous descendez sur la page d'accueil et vous allez retrouver le chronobio sur Willis Drummond assez facilement. Petite info, Wiz Drummond, c'est fini. C'est presque fini, en tout cas. Ils vont prendre une pause indéterminée et ils joueront leur dernier concert le 5 janvier à Donosti, à Saint-Sébastien. Voilà, je ne sais pas si, s'il y aura encore des places au moment où vous entendrez cette émission, parce qu'elles sont déjà en vente depuis un petit moment. Et donc voilà, c'est vrai que Woolly, c'est en live, c'est quand même, c'est un groupe de live, quoi. C'est vraiment un groupe à avoir en live. Ils tabassent, c'est un peu des showman en plus. Ils aiment bien ça, ils le font bien. Donc c'est vraiment un groupe à avoir en live. On écoutait Woolly Drummond avec Trejna en 2012. Et voilà, Woolly Drummond, dernier concert 5 janvier. Donc profitez-en d'ici là pour essayer d'aller les voir. Et moi, je vous dis, à demain pour une nouvelle chanson. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans été.mp3, c'est la 35e édition déjà de ce petit format estival et aujourd'hui, comme tous les jours depuis début juillet, on va s'écouter une nouvelle chanson. Aujourd'hui c'est Francis Cabrel avec Des Hommes Pareils, sorti en 2008 sur Des Roses et des Orties. Vous êtes et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil, même cœur entre les mêmes épaules. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si on y oublie l'essentiel, on partage le même royaume. Vous êtes et nous sommes. Moi j'ai des îles, j'ai des lacs. Moi j'ai trois poissons dans un sac. Moi je porte un crucifix. Moi je prie sur un tapis. Moi je règne et je décide. Moi j'ai quatre sous de liquide. Moi je dors sur des bambous. Moi, je suis docteur marabout. Et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins loin du soleil. Blanc, noir, rouge, jaune, créole, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? S'il y manque l'essentiel, semblable jusqu'au moindre atome, vous êtes et nous sommes. Moi je me teins et je me farde. Moi mes chiens montent la garde. Moi j'ai piégé ma maison. Moi je vis sous des cartons. Moi j'ai 100 ans dans 2 jours. Moi j'ai jamais fait l'amour. Enfants, neveux et nièces, on dort tous dans la même pièce. Quel que soit le prix qu'on se donne, on nage dans le même aquarium. Partage le même royaume où vous êtes et nous sommes. Où nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil. Tendu vers l'espoir de vivre, qu'est-ce qu'on vous apprend dans les livres? S'il y manque l'essentiel, s'il y manque l'essentiel, j'aime mieux ce monde polychrome où vous êtes et nous sommes. Des hommes pareils. des hommes pareils. Des hommes pareils. J'aime mieux ce monde polychrome où nous sommes. Des hommes pareils. J'aime mieux ce monde polychrome où nous sommes. J'aime mieux ce monde polychrome où nous sommes. Des hommes pareils. J'aime mieux ce monde polychrome où nous sommes. Des hommes. Francis Cabrel avec Des Hommes Pareils, c'est sorti en 2008 sur Des Roses et des Orties, et j'aime bien cette chanson. Alors c'est pas la plus grande de Francis Cabrel, on est quand même assez loin de ses grandes heures dans les années 70-80, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de revival de ça. Alors c'était en 2008, je dis revival, c'était un moment de ces années-là, avec un truc assez profond qui nous amène, qui peut nous amener assez loin. Et puis ouais, voilà, toute la partie mélodique, vraiment assez simple, efficace, c'est du Francis Cabrel, quoi. On est quand même sur des bonnes bases. Intéressant aussi les instruments qui sont utilisés. Donc on a la base de Cabrel, c'est-à-dire sa voix et sa guitare, une batterie, il me semble qu'il y a une guitare électrique surtout sur le refrain qui va accompagner la guitare acoustique pour donner un peu plus d'ampleur, un peu plus de basse et de gorge, quoi. Et à côté, j'ai l'impression d'avoir entendu un banjo, j'ai l'impression d'avoir entendu un slap style guitare. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une espèce de guitare qu'on met à plat sur ses genoux ou sur une table, et qu'on va jouer à plat comme ça. La main droite va gratter les cordes et la main gauche va avoir un bottleneck, ou un équivalent de bottleneck, c'est-à-dire quelque chose en métal ou en verre, un tube qu'on va faire venir glisser sur le manche pour avoir ce son très électrique, très, très mécanique, très métallique. Voilà ce que vous avez certainement reconnu. Si vous réécoutez la chanson, vous allez comprendre de quoi je parle. Puis bon, voilà, j'aime bien les paroles aussi. Lui aussi, je trouve que c'est un des compositeurs ou un des auteurs qui arrive à me parler. Et moi qui suis vraiment pas un grand fan de paroles, de grande poésie comme ça, je préfère écouter la musique. Ben là, c'est vrai que Francis Cabrel, comme Renan Luce, qu'on a écouté déjà dans cette émission, ben ils savent écrire, quoi. Et c'est plutôt cool à voir. Entre temps, je sais pas, est-ce que Francis Cabrel a pris sa retraite? Il ne me semble pas, mais je pense qu'il a pris une espèce de pré-retraite ou de pause. En tout cas, il joue un peu quand il veut. Il se cache dans sa maison. Je sais plus, il est vers Agen, il me semble, à Astafort, ça, je crois, le nom de sa ville ou son village. Et voilà, il reste discret. Écoutez, il a bien le droit et il a bien raison de rester tranquille de son côté. C'était Des Hommes Pareils de Francis Cabrel. Cette chanson est sortie en 2008 sur Des Roses et des Orties. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle chanson. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio No Culture. Aujourd'hui, on va écouter une nouvelle chanson, puisque c'est quand même le format de cette émission. Été.mp3, aujourd'hui, on va écouter un groupe qui s'appelle Wintergatan peut-être, et sa vidéo, on va dire plutôt comme ça, Marble Machine, qui est sortie il y a 7 ans. Thank you. Wintergatan, Wintergatan peut-être, avec sa Marble Machine. Pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter ça? Ça paraissait étrange, n'est-ce pas? Sans la vidéo, ça doit être assez, assez étrange. C'est quelque chose qu'il faut absolument que vous allez voir sur YouTube. Wintergatan avec un W au début. Marble Machine, sorti en 2016. Et c'est en fait une machine créée par Martin Molin, certainement. Une espèce de grosse machine de savant fou de films des années 90 ou des années 80 avec des trucs à tirer partout. En gros, il a créé une machine en bois avec des billes qui vont tomber sur des petites plaquettes de métal comme un xylophone que vous avez quand vous étiez petit et qui vont créer la mélodie, mais il s'est pas contenté de ça. À côté de ça, il a carrément greffé une basse à la machine et les billes vont tomber sur les cordes et lui il va jouer de la basse, les billes vont tomber sur les cordes pour frapper les cordes et c'est lui qui va faire les notes. En plus de ça, il va évidemment rajouter une espèce de batterie, de petite percussion. Il y aura trois éléments. D'abord, une grosse caisse, donc c'est juste une espèce de grosse plaque avec un micro bien placé qui va faire boum boum. À côté, la caisse claire, c'est une espèce de contreplaqué, il me semble, pour avoir un son plus claquant. Et il y a une toute petite carte aussi, comme une carte à jouer. Une carte à jouer, quoi, sur laquelle va aussi venir à chaque fois taper des billes pour voir tous ces sons différents-là. Et il a des manettes qu'il va actionner et enlever selon les instruments qu'il veut avoir et le tout va tourner. C'est pour ça qu'on entendait une manivelle tout au début de la chanson. C'est lui qui va activer la manivelle pour tout faire tourner. Alors comment marche aussi l'espèce de xylophone? C'est qu'il a une espèce de roue en caoutchouc comme une espèce d'énorme pneu de tank dans laquelle il va greffer des petites pièces en plastique qui vont lever des ouvertures qui vont faire tomber les billes donc quand il veut et surtout la note qu'il veut. C'est un peu comme s'il avait recréé une espèce de, vous savez, les boîtes à musique, quoi. C'était fait comme ça, c'était du papier avec des trous. Là c'est un peu le même principe mais en beaucoup plus grand, ce qui lui permet derrière, s'il change les petites pièces en plastique de place, ben il peut faire d'autres mélodies et pareil pour la basse, etc. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on va avoir un gros travail de musicien finalement, surtout un gros travail d'ingénieur et un gros travail de musicien. Voilà, et puis en plus la musique, je la trouve vraiment hyper bien, avec du coup ces petits ralentissements, les trucs qui repartent petit à petit, la batterie qu'il peut enlever quand il veut pour avoir un effet un peu plus transitionnel, un peu plus sport, et il remet la batterie, etc. quand il en a envie. Enfin voilà, c'est une vidéo à aller voir sur YouTube. Vous tapez Wintergatan, Wintergatan, Wintergatan et Marble Machine. Voilà, vous êtes tombé sur la vidéo. Il a aussi intégré évidemment des micros un peu partout et une table de mixage directement sur sa machine, voilà, pour avoir le placement des micros est extrêmement important pour avoir tel ou tel son. Et là je pense que ça a beaucoup joué, surtout pour la batterie, pour la grosse caisse par exemple, qui est simplement une bille qui tombe sur un bout de plastique, il me semble. Donc normalement ça ne fait pas ce bruit là mais si vous placez tel micro au bon endroit, vous pouvez avoir des petites surprises comme ça. Voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir ça, c'est assez jouissif à regarder, vraiment dire un savant fou qui a inventé une machine à voyager dans le temps, mais dans un film des années 80 avec des manettes partout, ou une espèce de Frankenstein complètement délirant. C'était Wintergatan avec Marble Machine. Surtout allez voir ça sur YouTube. Et bonjour à tous, bienvenue sur été.mp3, l'émission dans laquelle j'espère vous découvrez tous les jours une nouvelle chanson. Aujourd'hui, on va un peu écouter ma chanson du moment, c'est Ayla avec Ikusten Duzu Goizean sur un album qui est sorti à peine cette année. On en parle après comme d'habitude. Ikusten duzu goizean, argia hasten denean. Benditxo baten gainean benditxo baten gainean. Bye. ikusten duzu goizean, c'est le premier projet solo de Peio Erramuzpe sous le nom Haïda, avec un H devant, voilà, sur son album sorti donc cette année, il y a quelques semaines, à peine quelques mois peut-être, Laupa Bortz Haïde Tipi, dans lequel il s'est décidé à faire des reprises, avec des gros guillemets, de chansons, traditionnelles basques, chansons assez vieilles, qu'il remet, bien vous entendu, au goût du jour, même en changeant la mélodie, etc. Certains n'apprécieront pas. Moi, j'adore, je trouve ça vraiment incroyable, cette chanson, elle est vraiment complètement folle, toute cette montée-là, je la trouve vraiment extrêmement bien maîtrisée. Donc, c'est son premier projet solo, parce qu'il a quand même beaucoup de projets derrière. Il a joué dans Maïdou, il a joué dans Fusible, il a joué dans plein d'autres trucs dont j'ai oublié le nom. Et il joue de pas mal d'instruments. Voilà, il est guitariste, bassiste, batteur, il joue pas mal de synthé aussi. Voilà, il aime bien les machines, vous l'avez entendu, il aime bien jouer avec les machines et ça marche plutôt bien. Et donc, ça, c'est son premier projet solo, dans le sens où c'est lui qui a composé tout ça. Après, il a été aidé par d'autres. Il me semble que sur cette chanson, il y a Chebi Echeverri au violon et Maya Ribarn à la voix. Et voilà, donc il a sorti cet album avec 5 chansons, il me semble, en tout. Et après, on va le voir commencer des concerts. Alors, les concerts, je ne sais pas trop à quel point il sera en groupe. Il me semble qu'il a composé quand même une espèce de petit groupe à 4 avec une batterie, une basse et une autre guitare. Mais je ne sais pas s'il sera à chaque fois comme ça ou si ça va changer selon les formats, si parfois il sera tout seul ou pas. Ça c'est quelque chose qu'on verra au fur et à mesure. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vraiment écouter cet album. Je crois que de toute façon j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette antenne que j'aime vraiment beaucoup cette chanson là et qu'il ne faut pas hésiter à aller écouter. C'est Haïda, H-A-I-R-A, avec la chanson Ikusten Duzu Goizean. C'est sorti cette année et vraiment c'est un album un petit peu événement pour moi. Ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça et c'est vraiment très très réussi. C'était Haïda. Bonjour tout le monde, bienvenue dans été.mp3, votre émission dans laquelle vous découvrez, je l'espère, tout plein de nouvelles chansons. Aujourd'hui c'est la 38e de cet été, puisque c'est un petit format de l'été, voilà, tous les jours du lundi au vendredi. On va écouter un groupe qui s'appelle Linked Horizon, avec une chanson qui s'appelle Shinzuo Sasageyo, sortie en 2017. Oui, vous l'aurez deviné, c'est un groupe japonais. Allez, c'est parti, on écoute ça. Sasageyo, sasageyo, shinzo sasageyo, subete no kisei wa ima kono toki no. Shinzo Sasageyo, c'est une chanson du groupe Linked Horizon et certains l'auront reconnu, c'est le générique d'ouverture de la saison 2 de l'Attaque des Titans. Voilà, qui est certainement, très certainement, le meilleur animé de ces 10 dernières années, avec un scénario complètement fou, une animation de malade. Et donc la musique que vous entendez qui donne une pêche incroyable, qui donne une grandeur à cette série complètement folle. Donc c'est Linked Horizon, c'est un des projets d'un compositeur, c'est le chanteur il me semble qu'on a entendu là, qui s'appelle Revo, qui a créé dans les années 2000 un groupe qui s'appelle toujours Sound Horizon, qui voit dans ce style là une espèce de rock symphonique comme ça, et ce groupe se rebaptise Linked Horizon quand c'est pour faire de la musique pour d'autres supports, pour des histoires qui ne sont pas les leurs. Dans ce cas-là, c'est donc le générique de l'attaque des Titans. Il me semble qu'ils ont fait 3 ou 4 génériques différents pour l'attaque des Titans au fur et à mesure des saisons. Et voilà, c'est un truc qui me fout une pêche incroyable chaque fois que je l'entends, et surtout qui me donne envie de voir cet animé qui est absolument incroyable, bon, qui s'éternise à la fin là. Voilà, dernière, quatrième saison je crois qu'ils ont coupé en 3 parties et la troisième partie qu'ils ont coupé en 2 parties. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les studios, mais bon, je préfère qu'ils prennent le temps et qu'ils fassent ça bien plutôt que de tout gâcher au dernier moment. Voilà, parce que l'animation est vraiment vraiment incroyable pour les fans d'animé qui aurait lâché l'affaire il y a quelques années. Ben, l'animation pendant la série est digne des génériques de l'époque où, pour vous rappeler, les génériques c'était complètement fou, on voyait des bastons de tarés. Et bien maintenant c'est la même chose, sauf que c'est pendant les épisodes et non plus seulement pendant les génériques. En tout cas voilà, une chanson pour vous conseiller à la fois le groupe et donc l'animé, et voilà, c'est tout, c'était Linked Horizon avec Shinzo Sasageyo, et moi je vous dis à demain pour la prochaine chanson.